Moscou, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Un marché qui se tient en pleine route à Kivyuka sur l'axe Bobanza-Ndora a fait 2 victimes ce mardi. Les habitants de la localité réclament sa délocalisation. Quand la nature se fâche contre les hommes, les victimes des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika ont été encore rattrapées par d'autres inondations à Mutambara où elles avaient été réinstallées. Reportage à suivre. Les travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Murago sont à l'arrêt depuis près de 4 mois au grand désarroi des habitants des collines Rubirizi et Nyabunyegiri de la zone Rubirizi. C'est un commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ils ont vu leurs échanges paralysés. Et l'alerte donnée par la radio-télévision Isanganiro sur un enfant qui souffrait de malformations cardiaques a porté ses fruits puisque cet enfant a été bien opéré. Sa famille, résidente au quartier Mutakura, commune Nangwa de la mairie de Bujumbura, exprime ses remerciements. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un marché qui se tient en pleine route à Kivyuka sur l'axe Bobanza-Ndora a causé un accident de roulage ce mardi faisant 2 victimes dont l'une a été percutée en plein marché. Les habitants de Kivyuka s'indignent et demandent que ce marché soit délocalisé. L'administrateur de Musigati explique que ce marché aurait déjà été délocalisé si les travaux de construction dans notre marché moderne étaient finis, mais le contrat a été résilié pour le soumissionnaire gagnant qui n'a pas pu honorer ses engagements. Spes Caritas Kavagnana. L'une de ces 2 victimes est une jeune fille qui portait un régime de bananes. Elle a été percutée par une moto en plein marché de Kivyuka, un marché qui se tient dans la route goudronnée Bobanza-Ndora. Les habitants de Kivyuka s'indignent et demandent aux autorités de délocaliser ce marché afin de réduire les accidents de roulage régulièrement enregistrés à cet endroit. Le chef de zone Kivyuka, lui aussi, voudrait que ce marché soit déplacé. Joachim Ndou Mukama, administrateur de la commune Mosigati, explique que la construction des marchés modernes à quelques mètres de celui qui se tient en pleine route était en cours. Malheureusement, le soumissionnaire qui a gagné le marché a suspendu les travaux après avoir reçu 55 millions de francs burundais. Le coût total était de 249 907 088 francs. Actuellement, l'administration communale attend la réponse du ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions pour qu'il y ait une commission chargée d'exécuter les travaux qui restent pour achever les travaux de construction de ce marché moderne selon Joachim Ndou Mukama, administrateur de la commune Musigati, Spes Caritas Kavagnana, Akivyuka, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kavagnana. Des habitants des collines Rubirizi et Nyabunyegiri de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura réclament la finalisation des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Murago qui les relie. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters déplorent que depuis près de 4 mois de suspension de ces travaux, les échanges sont paralysés suite à la déviation de l'eau de cette rivière. Le chef de colline Rubirizi souligne que ce pont contribue au développement des collines qui les relient. On fait le point avec Ariela Chimirimana. Lorsque l'on arrive au niveau de ce pont reliant les collines de Rubirizi et Nyabunyegiri, l'on rencontre des gens qui attendent qu'on les aide à traverser cette rivière de Murago suite à son état actuel. Certains de ces habitants rapportent que les échanges et la circulation sont perturbées. Cette situation complique également le déplacement des femmes enceintes, des élèves et des écoliers de ces localités, ajoutent ces habitants. Le chef de colline Rubirizi, Mundwanayo Celeste, demande à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bura d'achever ses travaux. Les travaux de réhabilitation de ce pont de la rivière Murago reliant les collines Rubirizi et Nyabunyegiri avaient commencé au mois de juillet 2024 et étaient suspendus au mois de décembre 2024, selon ce chef de cette colline. Merci, Ariel. Les parents sont appelés à suivre de près l'évolution de leurs enfants pour qu'ils les fassent soigner tôt s'ils présentent des signes de régression. Appel lancé par Dr Melissa Ingabire, chargée de la prise en charge des enfants autistes au centre Talitakoum à Bujumbura. Au moment où ce mois d'avril est dédié à la sensibilisation sur l'autisme, un des parents et un enfant suivi par ce centre réclame au gouvernement le soutien des familles qui ont des enfants autistes. Selon elle, ces dernières traversent un parcours difficile pour que leurs enfants puissent présenter quelques évolutions. Sheila Irambona. Comme l'explique le docteur du centre Talitakoum, Melissa Ingabire, l'autisme est un trouble qui affecte le développement du cerveau, ce qui impacte sur le développement de l'enfant dans plusieurs domaines. Selon elle, l'enfant qui a l'autisme peut présenter plusieurs symptômes, notamment une régression du langage, et d'appeler les parents à bien suivre de près l'évolution de leurs enfants. L'enfant régresse. C'est un enfant qui a peut-être commencé à parler des petits mots, papa, maman ou autre. Mais qui, à un certain moment, vers 3 ans par exemple, tu remarques qu'il ne parle plus. Avant, il interagissait avec les autres, il n'interagit plus. Le contact visuel, il n'est plus présent. Et donc, il a régressé sur ces points. Il peut aussi avoir un retard de langage. Et il peut aussi avoir l'absence de pointage pour demander quelque chose ou pour partager un intérêt quelconque. Et il faut aussi observer les enfants pour pouvoir détecter plutôt qu'il y a quelque chose qui est anormal. Ce n'est pas que quand un enfant ne parle pas qu'il est automatiquement autiste. Il faudrait un ensemble de signes regroupés ensemble, si tu les vois, venir demander de l'aide. Une famille qui a un enfant qui a l'autisme fait face à beaucoup de problèmes, témoigne une maman qui a un enfant suivi par ce centre. Ses parents demandent au gouvernement d'épauler ses familles. Au moment où ce centre suit 19 enfants, alors que 113 sont toujours sur la liste d'attente, la coordonnatrice de Talitakoum, Jeanne d'Arc Nduringoma, indique qu'ils auraient aimé que le gouvernement forme des spécialistes pour que les enfants autistes soient mieux suivis. Ici, dans notre centre, on ne fait que dépister. On n'établit pas de diagnostic. C'est-à-dire que dépister, c'est juste qu'on essaie de voir si les signes de l'autisme sont présents chez l'enfant. Mais on ne peut pas dire que l'autisme, il est présent à ce degré dans la communication, dans l'interaction, dans les comportements, ainsi de suite. Nous, pour le moment, on n'arrive pas à aller jusqu'à ce niveau. Pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, on n'a pas ici, au Burundi, les experts qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, pour le moment, on aimerait demander que, par exemple, que le ministère de l'Éducation puisse envoyer les lauréats de l'examen national faire ces études-là. À l'étranger. Contacté à ce propos, le ministère de la Santé a reconnu que l'autisme est méconnu au Burundi, sans rien ajouter d'autre. Sheila Irambona. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le recrutement d'un secrétaire exécutif communal suit un processus de sélection compétitive et est nommé par décret sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire. Il coordonne toutes les activités de la commune et c'est ainsi que le dispose la loi portant réorganisation de l'administration communale du 7 juin 2024. Plus de détails avec Stella Ndaishimi. Comme le dispose l'article 53 de la même loi, le secrétaire exécutif communal est le coordinateur technique de toutes les activités de la commune. Certaines des attributions qui lui sont confiées sont notamment celle d'assurer la fonction d'officier de l'état civil par délégation, celle d'assurer une gestion déléguée des dépenses courantes de fonctionnement de la commune, celle de représenter l'administrateur communal en cas d'empêchement sur délégation de ce dernier. C'est le secrétaire exécutif communal qui prépare les actes de décision de l'administrateur communal. Il coordonne les activités de préparation du projet de budget communal et suit la mise en œuvre du plan d'action et du plan de développement communautaire, comme le prévoit l'article 54 de la même loi. L'article 52 de la même loi stipule que le secrétaire exécutif communal est recruté sur base d'un processus de sélection compétitive sous la supervision d'un délégué du ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions et parmi les citoyens natifs résident ou non résident de la commune. Il est nommé par décret sur proposition du ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions et il doit avoir un diplôme universitaire et une expérience d'au moins 5 ans dans la gestion des affaires publiques ou tout autre poste de responsabilité. Dès sa nomination, le secrétaire exécutif communal doit résider dans la commune pour laquelle il a été recruté, comme le prévoit l'article 52 de la même loi. Plus de 30 hommes de la province Kayanza ont été victimes de violences basées sur leur genre de différentes natures ces trois derniers mois. Boniface Ndouimana, représentant de l'association Hommes en détresse militant pour la défense des droits des hommes, indique que des projets liés à l'élevage du petit bétail sont réalisés pour trouver des moyens d'appuyer ces hommes. Au niveau de l'administration provinciale, Kayanza, on demande à ces associations de collaborer étroitement avec la direction chargée du développement familial et communautaire. Une information de notre correspondant Patrick Nsengiyumva. La famille d'Ombonihangwe Mathias, résidente au quartier Mutakura, en commune Nhangwa de la mairie de Bujumbura, remercie vivement la radio-télévision Isanganiro pour avoir donné l'alerte à propos de leur enfant qui souffrait de malformations cardiaques. C'est en effet par cette station que des médecins allemands de passage à l'hôpital militaire de Kamenge ont appris le cas d'Adin Ober Irakiza, âgé de 9 ans, et l'ont opéré immédiatement là-bas même. Une intervention chirurgicale qui a bien réussi. Lydie Gahimbare. Le père de cet enfant indique que depuis que le cas de la maladie de leur enfant a été diffusé dans les journaux qui ont passé à la radio et à la télévision Isanganiro et partagé sur les réseaux sociaux, leur enfant a été pris en charge par des médecins allemands qui travaillaient à l'hôpital militaire dans une clinique mobile. Selon ses parents, il a été tout de suite inscrit sur la liste des patients qui devraient être opérés. Bonihangwe Mathias et Aline Kwizela, les parents de cet enfant, remercient vivement la radio-télévision Isanganiro pour avoir contribué à faire connaître la maladie de leur enfant, ce qui l'a fait qu'il a pu être soigné. La somme exigée pour que Adam Aubert Irakiza, né avec un canal atrio-ventriculaire incomplet, soit opéré, s'élevait à 80 millions de francs burundais. Ces médecins allemands qui ont opéré le cœur de cet enfant, une opération normalement coûteuse, mais les parents de cet enfant n'ont eu à payer qu'un montant abordable et le reste ayant été pris en charge gratuitement. Et l'enfant est guéri selon ses parents. On revient maintenant sur la correspondance de Patrick Nsengiyumva que la technique vient de retrouver à Kayanza pour parler de ces hommes qui sont victimes des violences basées sur le genre. D'après les données chiffrées fournies par l'association Hommes en détresse qui milite pour la défense des droits des hommes à Kayanza, depuis janvier jusqu'au mois de mars passé l'an courant, en province Kayanza, 32 hommes ont été victimes des violences basées sur le genre qui ont été faites par leurs femmes. Des informations fournies par Boniface Ndouimana, représentant de l'association Hommes en détresse, disent que parmi ces victimes des violences basées sur le genre faites aux hommes, 6 ont subi des violences physiques et que l'association est intervenue dans le paiement des factures des soins qu'ils ont subi dans des structures de soins. Le représentant de l'association Hommes en détresse fait savoir que beaucoup parmi les hommes qui subissent des violences dans leur ménage à Kayanza subissent celles économiques et que leurs femmes abandonnent les ménages avec des biens familiaux. Parmi les défis auxquels fait face le bon fonctionnement de l'association Hommes en détresse pour réaliser sa mission, Boniface Ndouimana a parlé des problèmes financiers pour appuyer les hommes victimes des violences basées sur le genre que font leurs femmes. Il demande aux âmes charitables de les appuyer. Pour pallier provisoirement à son manque de moyens financiers, Boniface Ndouimana, représentant de l'association Hommes en détresse, indique que l'association qu'il représente a déjà entrepris la réalisation d'un projet lié à l'élevage du petit bétail, surtout celui des porcs. Sylvain Bakanibona, conseiller socio-critère du gouverneur à Kayanza, appelle la représentation de l'association Hommes en détresse de collaborer étroitement avec l'administration et la direction en charge du développement familial et communautaire afin de conjuguer les efforts dans la lutte contre les violences basées sur le genre, de quelque nature les soit-elle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Pour terminer ce journal, les victimes des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika et qui ont été installées sur le site 3 se trouvant sur la colline Gatété de la commune de Provence Rumonge mènent une vie très précaire suite aux inondations qui les a encore attrapées dans ce site. À cela s'ajoute la recrudescence des actes de banditisme consécutifs au fait que les bienfaiteurs ne viennent plus les assister. Le chef de colline Mutambara rassure qu'ils font tout pour assurer la sécurité du site. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. Ces victimes des inondations délocalisées vers le site 3 se trouvant dans la colline Mutambara déplorent leurs conditions de vie. Ils se lamentent que ce site a été envahi par d'autres inondations, abîmant le matériel scolaire et conduisant au taux élevé d'abandon scolaire pour les élèves. Nos maisons sont plus souvent débordées suite aux inondations qui s'observent dans ce site et nous sommes obligés de demander abri à nos voisins. Nos enfants avaient bénéficié du matériel scolaire, mais ils ont été inondés suite à ces inondations. Cette situation-là provoquait la recrudescence de l'abandon scolaire pour les élèves qui habitent dans son sud. Moi, je suis élève. J'effectue chaque jour un trajet d'une heure pour arriver à l'école au moment où, quand j'étudie à Magala, je parcourais 5 minutes seulement pour arriver à l'école. Ces habitants ajoutent qu'ils sont également confrontés au manque de nourriture, expliquant que les bienfaiteurs ne les soutiennent plus depuis une année. Ces derniers ajoutent que même la vie conjugale est difficile à mener dans ce site, comme le témoigne Mohamed Bigirimana. Ces tentes sont discrètes. Quand je vais coucher avec ma femme, tout le monde peut être au courant. Les enfants ont même déchiré ces tentes pour faire curiosité de ce qui se passe dedans. Nous sommes obligés d'aller au lieu d'aisance pour satisfaire nos besoins et cela pendant la nuit. À cela s'ajoute le problème de sécurité causé par les actes de banditisme qui deviennent monnaie courante dans la société. Nous dormons mal suite aux bandits qui viennent plus souvent voler dans les ménages. Ces bandits déchirent les tentes à l'aide de rames de rasoir et quand ils se trouvent dans la maison, ils dérobent tout. Cela est attesté par le Huzo Julius Juma, chef de la colline Mutambara. Il assure qu'au sein de l'administration, ils sont en train de travailler dans la quadrilogie, dans le but de juger d'office ces actes de banditisme. Même le conseil du gouverneur de la province Rumonge a subi ces actes de banditisme en date du 31 mars. À cela, nous sommes en train de travailler avec le comité mixte de sécurité pour lutter contre ces actes de banditisme. Concernant les inondations qui s'observent dans ce site, le chef de la colline Mutambara fait savoir qu'il a soumis ce problème aux autorités hiérarchiques. Luhuzo Julius Juma précise que ce site 3 se trouve sur sa colline, abrite 185 ménages composés par 1340 personnes. Et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.